Le ciel est mort là-haut, le sol s'effrite en bas. Le vide ne me fait plus peur, je m'allonge dedans à plat. Le mal, le bien me viennent, donc je souris face à eux. Y'a de la moisissure et des fleurs sur la façade. Je vais regarder le monde brûler ou allumer la mèche. Personne ne le sait, les forces d'en haut se chargent du reste. Est-ce que je vais perdurer, finir aux oubliettes? Tout ça m'importe peu tant que je dégueule toutes mes vérités. Y'a trop de sang qu'à couler, mon oxygène coupé. À l'âge des fondations, l'humain de moi a abusé. J'ai crié en silence, mes crises lancinantes. Sentiments en ciment, je me disais dans 6 ans, on me retrouvera ciseaux dans le crâne avec le sang gisant. À l'horizon, je vois l'océan. J'aime plus grand monde, je n'ai que faire de leur bienséance. Le trou dans ma poitrine est bien plus qu'immense. Y'a encore, je voulais partir dans mes habits de dimanche. Comme j'ai souffert, je le dis là. Le mot m'est mort y'a bien longtemps au milieu des draps. Je sens l'odeur, enfin je revois les images. Je suis fatigué, je ne veux plus de cette vie là. Je supporte plus ma dualité. Des fois je m'aime, des fois je me hais. Chaque jour sur la balançoire. Je supporte plus ma réalité. Des fois je blesse, des fois je soigne. La peine vient une fois inanimée. Dois-je détruire les humains ou me détruire encore et toujours? Petit papillon de nuit a brûlé ses ailes en plein jour. Hélas, petit à petit, chacun de mes secrets m'ont eu. J'ai été rongé par la crasse, torturé par la solitude. Y'a trop de sang qu'à couler, mon oxygène coupé. À l'âge des fondations, l'humain de moi a abusé. J'ai crié en silence, mes crises lancinantes. Sentiments en ciment, je me disais dans 6 ans, on me retrouvera ciseaux dans le crâne avec le sang gisant. À l'horizon, je vois l'océan. J'aime plus grand monde, je n'ai que faire de leur bienséance. Le trou dans ma poitrine est bien plus qu'immense. Y'a encore, je voulais partir dans mes habits de dimanche. Comme j'ai souffert, je le dis là. Le mot m'est mort y'a bien longtemps au milieu des draps. Je sens l'odeur, enfin je revois les images. Je suis fatigué, je ne veux plus de cette vie là. Je sors des limbes, pourquoi tu me dévisages, toi? Je me dévisage.